et dans l'esquisse de la théorie générale de la magie chez Marcel Mauss. Donc, en Europe possible, donc après 6 cours consacrés presque exclusivement à Marx et à la critique de la valeur, donc on reste toujours sur le terrain du fétichisme de la marchandise, mais on va faire quand même une détour beaucoup plus longue, donc on va plutôt se déplacer en Australie et en Polynésie, on va donc plutôt. En plus, donc, on va donc faire davantage recours à des auteurs français, donc, notamment donc, ce qu'on appelle l'école sociologique française donc, de Durkheim et de Mauss. Je pensais la semaine, le cours prochain, dans 2 semaines, toujours se refaire à Mauss et aux auteurs qui sont inspirés comme Louis Dumont et également se refaire à Karl Polanyi. Donc là, donc on va plutôt parler donc de la question est-ce qu'il y avait une économie avant le capitalisme? Est-ce qu'on peut, quel est le rôle du don? Donc est-ce qu'on peut parler de la valeur? Est-ce qu'on peut parler d'une économie dans une société, dans les sociétés pré-capitalistes, ou est-ce qu'il s'est basé sur d'autres bases? Donc là, donc on va plutôt faire référence à l'essai sur le don de Marcel Mauss et évidemment à la grande transformation de Polanyi. Et à Homo Equalis de Louis Dumont, comme ce sont nos sources principales pour la prochaine séance. Donc, là, donc après encore, donc, toujours en réfléchissant un peu sur la naissance de la société de la valeur, donc je voudrais faire une cour essentiellement sur le côté, disons, sur la conceptualisation du sujet moderne, donc entre Descartes et Kant, avec ses prolongations chez Sade, chez Stirner et chez d'autres auteurs, de certaine manière, ont un peu établi le concept vraiment du sujet, donc on va également établir donc, l'ambiguïté du concept du sujet. Ce qui fait donc finalement il ne reste que 3 cours, et donc ce qui devait être un peu le pivot de ces cours, donc le thème du narcissisme, donc dans le sens psychoanalytique et cette prolongation. Comment on peut relire ce terme à travers la critique de la valeur, donc je pense qu'on ne va que le commencer, on va, j'espère, pouvoir le continuer l'année prochaine. Donc, étant donné, donc aujourd'hui, donc on va finalement se séparer un peu de la lecture des textes marxiens stricto sensu, donc on va se déplacer plutôt vers le fétichisme en anthropologie. Et donc justement à cause de cela, je demande s'il y a encore une chose qu'on a parlé dans les dernières séances que vous souhaitez encore approfondir. C'est-à-dire sans faire une discussion générale, parce qu'après on est sorti en plus, mais s'il y a encore des questions, donc plutôt de compréhension, donc précises, je pense qu'il faudrait le faire maintenant, parce qu'après, je pense pour quelques séances, on va s'éloigner beaucoup donc, du noir de trêve, comme on appelait Marx aussi. Donc. Donc on va faire recours plutôt à d'autres auteurs, justement, parce que. Comme vous voyez, donc moi, comme la critique de la valeur, donc on est extrêmement critique vers toute la tradition marxiste. On trouve que même une partie des auteurs qui passent pour marxistes hétérodoxes ont quand même toujours, il reste quand même beaucoup plus proche d'un certain marxisme traditionnel de ce qu'ils croyaient. Même Lukács, l'histoire et conscience des classes, même l'histoire de Francfort, même le situationnisme, même Lefebvre. Donc on se voit aussi un peu obligé à leur enlever beaucoup d'épaulettes. Donc on n'est pas du tout ici dans un culte des ancêtres, dans une généalogie idéale. Mais en même temps, donc justement, j'y tiens toujours à insister que des auteurs qui n'étaient pas du tout marxistes, ou qui étaient même explicitement anti-marxistes, comme justement comme Mauss, Polanyi, Dumont et d'autres, trouvent au moins sur certains éléments précis, souvent ils ont des choses à dire qui, s'ils sont très éloignés du marxisme traditionnel, peuvent quand même démontrer une espèce de voisinage assez surprenant avec ce qu'ici nous appelons le Marx ésotérique, donc avec la critique de la valeur. Par exemple, donc un auteur assez connu parmi les anthropologues, comme Louis Dumont, par exemple, il n'a pratiquement rien compris de Marx, on va le voir, donc il conforme, lit Marx vraiment comme le plus vulgaire des marxistes, comme un suiveur de Ricardo. Mais en même temps, il dit des choses sur la naissance, par exemple, du concept d'économie et aussi de l'idéologie de l'économie, qui finalement, je pense, peuvent être très fertiles justement ici pour une réflexion sur les origines de la notion des valeurs dans son caractère historique et donc et pas anthropologique. Donc, alors, est-ce qu'il y a donc des questions, des remarques sur ce qu'on a fait dans les premières 6 séances ? Mais je pense qu'il y en a beaucoup, mais est-ce qu'il y a surtout vraiment des questions donc, plus ou moins précises donc, plutôt que de remarques hein. Parce que vous l'avez dit, vous avez vu, donc je consacrais beaucoup d'énergie à établir surtout le concept de travail abstrait, donc dans l'espoir que cela, après, nous donne une base sûre pour, aussi pour pouvoir juger d'autres théories. Donc, évidemment, donc ici, évidemment, on part comme une espèce de, comment dire, on l'appelle des petites sur principis, c'est-à-dire une espèce de base qu'on ne peut pas tout le temps démonter à nouveau, mais évidemment, on part ici de l'idée que ce noyau de la théorie marxienne, donc la critique de la valeur du travail abstrait, de l'argent et de la marchandise, forme quand même une base épistémologique assez sûre, donc qui permet finalement de juger aussi d'autres approches justement sur ce que, jusqu'à quel point ils peuvent également élucider la même question. Donc il s'agit donc de certaines manières à la longue donc d'établir ce qu'on appelle un paradigme dans les sciences. Donc, qui permet finalement aussi de comprendre la valeur plus ou moins grande d'autres approches, ce qui donc évite en plus de devoir toujours de devoir donner des jugements généraux sur d'autres auteurs. Par exemple, si vous prenez par exemple certaines histoires de la pensée assez orthodoxe marxiste, par exemple, ce qui était, par exemple, utilisé dans les pays de l'Est, c'était souvent ou blanc ou noir. Donc, un auteur était ou marxiste, ou il était bourgeois, par exemple, un chef d'œuvre, ou il était, ou même si c'était des auteurs bourgeois, ou il était ou tout blanc ou tout noir. Donc, c'était, par exemple, la destruction de la raison de Lukács, c'était, par exemple, un triste chef d'œuvre dans cette espèce de mise à l'index. On dit justement ici, pour nous, il s'agit tout au contraire de voir comme, que même des auteurs qui on peut à d'autres égards qualifier de réactionnaires comme Durkheim, peuvent quand même, d'une certaine manière, sans le savoir involontairement, parfois dire des choses beaucoup plus vraies que d'autres auteurs auxquels peut-être politiquement on pourrait se sentir plus proche. Je pense que ce genre d'approche, si on veut, sans préjugés, c'est exactement un peu ce que Marx a fait avec Hegel. Donc évidemment, Marx était tout à fait éloigné des conclusions de la philosophie hegelienne et de sa glorification de l'État prussien, etc. Mais en même temps, Marx a quand même su certainement tirer tout l'or qui était contenu dans cette énorme minière de la philosophie hegelienne. Et donc c'est un peu la même approche, je pense, qu'il faut faire justement si on refuse cette idée de se construire une espèce de généalogie idéale d'ancêtres, comme ce qui au contraire a été un peu l'ouvrage du marxisme traditionnel. Alors, il n'y a pas d'autres observations sur Marx ? Eh bien, d'accord. Alors, donc, on va donc se déplacer, comme je dis, sur un autre terrain. Et donc, on va répondre à la question du fétichisme. Alors, nous avons vu que le concept du fétichisme chez Marx, comme vous vous souvenez, apparaît déjà très tôt chez lui avec une sens ironique. Donc, dans son tout premier article, vous vous souvenez, donc il évoque déjà le fétiche des indigènes de l'Amérique, il les évoque pour les opposer à cette espèce de fétiche qui faisait les législateurs prussiennes en ce qui concernait le lièvre et le bois qu'on voulait empêcher aux pauvres de voler. Après, donc, nous avons vu que même si le page consacré explicitement au fétichisme ne sont pas nombreux schémas, ils tiennent un rôle absolument central et on voit évidemment dans l'interprétation que je vous propose, on pourrait presque dire que c'est le pivot de toute la théorie de Marx, au moins le pivot de tout ce qui en reste vraiment valable. Et je pense que vous savez aussi que le terme fétichisme vient de la religion, qu'il était, j'ai dit, il apparaît la première fois, je crois, déjà au 16e siècle en portugais, évidemment, fétiche, c'est plutôt simplement la chose faite, non? Donc, évidemment, c'est l'idée de l'idole, donc le portugais même se moquait, évidemment, ces idoles en bois, donc, selon les Européens, ils trouvaient en Afrique, et selon les Européens, évidemment, n'avait rien à voir, par exemple, avec les statues de l'assiette verge qu'on utilisait en Europe, c'était tout. Au contraire, évidemment, le fait que les Africains et d'autres vénéraient les idoles en bois, c'était évidemment une preuve de leur infériorité pour les Européens. Après, en 1760, je crois, un voyageur français de Brosse donc, a fait publier le premier livre donc, consacré explicitement au fétiche. Et donc, il avait aussi observé en Océanie. Et donc après, donc le terme trouve rapidement une diffusion assez grande. Et dans toute approche historique au phénomène de la religion, donc le fétichisme autour du 19e siècle apparaît comme une espèce d'étape très primitive, très originaire de la religion. Donc, à peu près ceux qui, dans une espèce de schéma évolutionniste à l'époque, venaient après l'animisme, ou même le pré-animisme. Après, il y avait des discussions qui ne nous intéressent pas trop. Donc, je pense que Marx, il existe plusieurs livres, vraiment, par exemple, le livre d'un auteur, Alfredo Iacona, publié chez Puff, sur l'histoire du concept de fétichisme, aussi au sens religieux, de David Hume, etc. Je pense que quand même Marx était le premier auteur qui a transposé le concept du fétichisme dans un autre domaine que le domaine strictement religieux. Même si, il faut toujours se souvenir, Marx reste attaché à au sens religieux du mot. Il le dit explicitement dans son chapitre sur le fétichisme. Il dit, pour trouver une analogie avec ce qui arrive dans la sphère de la production marchande, nous devons aller dans la sphère nébuleuse de la religion, donc où également l'homme croit que les dieux donc sont des êtres tout à fait autonomes. Donc, il est aussi important de souligner qu'au-delà de cet aspect de la pure analogie qui aussi, fait aussi beaucoup d'effets stylistiques chez Marx, effectivement, Marx, la théorie du fétichisme chez Marx est aussi une continuation directe de sa critique juvénile de la religion, qu'évidemment, il a repris de Feuerbach. Là, parmi les rares livres d'ailleurs que vous trouvez en français sur le fétichisme, il y a le livre d'Antoine Artaud qui. Relativement bien fait pour ce sujet si difficile. Mais là aussi, donc, je ne suis pas d'accord avec l'auteur lorsqu'il dit qu'il y a une fracture entre le concept religieux du fétichisme chez le jeune Marx et un concept vraiment lié à l'économie politique chez le vieux Marx. Je pense qu'au contraire, ça reste essentiellement la même chose. Et je pense que là, peut-être cet auteur-là, qui est un marxiste, Antoine Artaud, je pense peut-être qu'il ne peut pas vraiment le comprendre, cette continuité, parce qu'en étant lui une auteur relativement orthodoxe, il ne peut pas comprendre qu'effectivement l'économie politique, même pour Marx, est effectivement une forme de religion. Donc, et pas au sens métaphorique, mais effectivement dans le sens, ce sera aussi le thème du cours d'aujourd'hui, qu'effectivement là on pourrait dire que l'économie moderne est une espèce d'une continuation de la religion avec d'autres moyennes, comme on pourrait dire en paraphrasant Clausewitz, hein, lorsqu'il dit que la guerre est la continuation de la politique avec d'autres moyennes. Alors, ce qui est donc intéressant, donc, le concept du fétichisme apparaît donc, chez autres deux auteurs après Marx. Évidemment, c'est l'espèce de coïncidence sont toujours souvent significative. Donc d'un côté, nous le trouvons en 1905 déjà chez Sigmund Freud, donc dans les trois essais sur la sexualité, même si ce serait beaucoup plus tard, en 1927, que Freud reprend le concept dans un tout petit essai de quelques pages qui est explicitement consacré au fétichisme. Évidemment que ça c'est très différent que chez Freud, c'est évidemment l'idée que la sexualité, donc surtout du mâle, donc peut se rattacher d'un objet comme une chaussure. Mais comme nous allons le voir, il y a quand même une espèce de parenté profonde entre ces différents concepts de fétichisme qui naissent à peu près à la fin du 19e siècle. Et donc l'autre, évidemment le troisième auteur important, c'est Émile Durkheim, qui donc en 1912, déjà presque alors à la fin de sa vie, il publie ce gros tome qui s'appelle « Les formes élémentaires de la vie religieuse », qui est donc un livre essentiellement consacré à l'Australie, donc il n'a jamais été en Australie, une procédure qui évidemment aujourd'hui, le scientifique empirique n'aurait jamais accepté que des gens comme Durkheim et Moss parlaient de la vie de sauvage, entre guillemets, sans avoir jamais quitté leur studio, n'ont jamais fait des études de terrain, ni Durkheim ni Moss à ma connaissance. Selon moi, cela démontre au contraire que la connaissance empirique n'est pas toujours si importante comme on le croit. Je pense qu'ils ont quand même compris beaucoup de choses, donc même en se basant seulement sur le récit d'autres voyageurs, selon des missionnaires. Et c'était aussi de toute manière assez commun à l'époque. Il y avait un autre livre d'ethnologie jugé à l'époque très important, aujourd'hui on peut oublier, Le Rameau d'or de Fraser, donc il fait un voyage sur des milliers de pages sur tous les rites et mythes de différents peuples. Je pense que quelqu'un lui a demandé à la fin. Et en plus, il semble que ce livre a été un peu vraiment la Bible de beaucoup d'autres ethnologues qui souvent disaient, lorsqu'il allait dans des endroits décrits déjà par Fraser, ce livre leur était extrêmement utile parce que avec le livre de Fraser était la meilleure introduction pour ceux qui allaient en Afrique, en Océanie, etc. Lorsqu'on demandait à Fraser s'il avait vraiment visité tous ces endroits-là, il a dit, pour Dieu, absolument pas du tout. Hein. Donc, il ne songeait même pas de quitter son bureau de Oxford pour l'écrire. Hein. Mais ce n'est pas très important. Moi, j'aime parfois citer ce fait parce qu'il y a souvent, même dans l'anthropologie et l'éthologie d'aujourd'hui, une espèce parfois un tel culte de l'idée de la prise directe de la réalité qui très souvent fait partie aussi d'une espèce de anticonceptualisme, donc c'est l'idée que la spéculation de les concepts ne valent toujours moins qu'une connaissance empirique et directe de fait. Mais là, je peux quand même dire que déjà Hegel a dit tout le contraire, évidemment, déjà au début de la phénoménologie de l'esprit, donc la connaissance conceptuelle peut aller beaucoup plus loin que la connaissance empirique d'un arbre en particulier, par exemple. Donc Durkheim et Moss, donc grands ethnologues, sont quittés la France. Et on se base exclusivement, en vérité, sur des tonnes de littérature des voyageurs. Là, au contraire, c'était l'avantage que ont les voyageurs qu'ils étudient. Eux, au contraire, ils avaient encore une véritable chance de connaître, par exemple, l'Australie, la réalité, effectivement, encore presque pas touchée par les Européens, ou relativement peu. Donc déjà quelques décennies après, et donc ce n'était plus la même chose. Le texte de Durkheim sur l'Australie, donc ce n'était pas en plus son premier texte, il avait déjà fait Moss aussi d'autres textes sur le totémisme et le fétichisme. Donc ce qui intéressait surtout Durkheim, c'était l'idée de trouver une espèce de la forme la plus primitive de la religion, donc de pouvoir étudier la religion à ses bases. Et justement, il le reconduit au totémisme et au fétichisme. Donc ce n'est pas le même concept, mais cette différence ne nous intéresse pas trop ici. Et dans ses recherches, et surtout, il trouve un autre concept assez important qui a été diffusé par des relations des voyageurs, c'était le concept des mana, donc on va y revenir, donc le concept qu'on a découvert, décrit surtout donc chez les habitants de l'océan Pacifique, donc comme une espèce d'une force d'une force impersonnelle et anonyme qui s'attache aux différents objets et personnes comme une espèce d'élément évidemment qui n'est pas ni visible, qu'on ne peut pas constater de manière empiriquement, mais qui est une espèce comme une espèce de halo de pouvoir, de puissance magique qui peut passer d'un objet à un autre, d'une personne à l'autre. Et donc la vie donc religieuse, ou plutôt pour dire sacrale, donc de ces populations, tourne essentiellement autour de la tentative de dominer, en certaine manière, de dompter le mana. Je ne sais pas, est-ce que ce concept, vous êtes familier hein? Non, c'est dommage. Mais non, parce que c'est quand même quelque chose, c'est une des choses les plus essentielles de l'anthropologie. Et donc d'autant mieux, donc, parce que donc, je ne risque pas trop de vous dire des choses que vous connaissez déjà. Ouais. Il faut aussi dire que l'anthropologie culturelle est quand même une science assez intéressante, d'une certaine manière. Donc, même mes propres recherches, si je devais absolument les caser dans une discipline universitaire, je pense que je choisirais plutôt anthropologie culturelle plutôt que sociologie au sens politique ou philosophie, que l'anthropologie culturelle était quand même l'idée d'avoir une espèce de regard global sur l'être humain, donc une culture donnée. Et évidemment, longtemps, l'anthropologie culturelle a été assez proche de l'ethnologie, c'est évidemment. Mais déjà, avec des auteurs comme moi, justement, il arrive cette chose intéressante. Donc, on découvre déjà qu'il n'existe pas cette coupure nette entre ce qu'on appelait à l'époque les sauvages et les populations civilisées. Et déjà, laissé sur le dôme des Marcemos était assez pionnier aussi en ça. Et finalement, il trouve que le même phénomène qu'il trouvait, par exemple, justement chez les populations ethnologiques, on peut aussi le retrouver avec quelques changements, même dans notre propre culture. Et disons que c'était déjà un peu avec cette école française qu'on va donc au-delà d'une espèce de une étude seulement des rites et mythes des populations qu'on appelait primitives, donc pour au contraire avoir une espèce de regard sur le constante de l'être humain. Ce qui, évidemment, après prend une grande ampleur avec Claude Lévi-Strauss et avec le structuralisme. Et justement, après, je veux un peu parler justement des mérites, mais aussi des problèmes que pose justement cette espèce de regard globalisant sur l'histoire. Parce que, évidemment, la raison pourquoi nous parlons ici du fétichisme, c'est évidemment. Le fétichisme de la marchandise chez Marx, et après, une phrase à effet donc de la critique de la valeur, première manière, en Allemagne, c'était déjà dire que l'histoire, plutôt qu'une lutte des classes, comme disait le manifeste communiste, peut être lue comme une histoire de fétichisme. Donc, il y avait cette idée. Donc, en vérité, ce qui distingue et en même temps unifie les différentes époques humaines, ce n'est pas qu'il y avait toujours des luttes des classes, parce que c'est tellement vrai que ça ne veut rien dire qu'il y a toujours une espèce de conflit social. Les classes, au sens moderne, n'ont pas toujours existé. Mais c'est, il y a une chose qui, effectivement, peut accumuler les différentes époques de l'histoire, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, c'est le fait qu'il y avait toujours différentes formes de fétichisme. Donc on pourrait même donc très grossièrement distinguer une espèce de peut-être le fétichisme de la parenté, donc du lien du sang, du clan, donc le totémisme, le fétichisme de la terre, donc et le fétichisme proprement religieux et le fétichisme de la marchandise. Alors là, on va encore reprendre ce thème, qu'est-ce qu'il y a vraiment en commun. Évidemment, donc, si on parle. Donc toute l'histoire peut être interprétée comme une suite de fétichisme, évidemment, il ne s'agit pas de prendre fétichisme au sens banal d'une adoration exagérée de quelque chose. Donc ce serait vraiment trop peu de dire « Ah, aujourd'hui, l'argent ou la bagnole, etc., est notre veau d'or autour duquel nous faisons une danse, comme faisons le, comme faisons les sauvages autour de leur totem. Ce serait vraiment un peu trop. Là, on reste vraiment dans une, dans une pure analogie. Donc, ce n'est pas la, la question. Ici, évidemment, si on dit que toute l'histoire peut être interprétée comme une histoire de fétichisme, il s'agit toujours de dire qu'on n'a jamais eu une socialité, une vie sociale directe où les êtres humains sont capables de se rapporter directement et consciemment les uns aux autres en établissant une espèce de gestion commune de leurs affaires. Mais le fétichisme, ça veut justement dire que la socialité de l'être humain est projetée hors d'eux-mêmes. Et donc ils ne sont pas conscients que ce sont eux-mêmes qui gèrent leur vie. Et cette projection, après, se matérialise dans un objet externe. Donc justement, cet objet externe peut être le totem, par exemple, pour les Australiennes. Ça peut être la terre dans une société féodale au Moyen-Âge. Ça peut être l'argent aujourd'hui. Donc, fétichisme, ça veut dire que chaque fois, donc, les êtres humains projettent leur propre pouvoir social sur un objet. Un objet, évidemment, ils ne le font pas de manière consciente, ils ne sautent pas, évidemment, ils ne savent pas que cet objet-là, en vérité, ce n'est pas une donnée purement naturelle, ou ce n'est pas un être tombé du ciel, mais ce sont en vérité eux-mêmes qui l'ont créé, ou plutôt qui l'ont investi d'une signification. Évidemment, une totem est fait par l'homme, mais l'être humain pense que son rôle dans la vie, évidemment, est quelque chose qui n'est pas ressenti par les Australiennes, par exemple, comme un effet de leur propre socialité, comme quelque chose qui vient d'ailleurs. De même que la terre, dans une société féodale, évidemment, n'est pas simplement une terreur où on peut pousser quelque chose, mais disons le fondement de la vie sociale. Et donc aussi, on participe, par exemple, au Moyen-Âge, à la vie sociale à travers la possession de la terre et à travers et la position de chacun dans une société féodale est définie par, son rapport à la terre. S'il peut être une serf, s'il peut être aussi c'est le seigneur, il y a toujours la terre, d'une certaine manière, qui fait des médiations sociales. Oui. Mais les papous, ils ont une gestion publique de leurs affaires. Qui ça? Les papous, ça a été vérifié. Ils ont une gestion publique de leurs affaires. C'est les derniers qui ont une gestion publique de leurs affaires. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'avant, il y avait une gestion publique des affaires? Oui, cela nous ramène d'une certaine manière une question que je pense qu'on a déjà un peu discuté la dernière fois. Si le fétichisme ancien était peut-être moins, d'une certaine manière, moins rigide, moins strict que le fétichisme moderne. Donc, c'est une question, effectivement, je pense qu'on a déjà discuté, c'est une question intéressante. Alors, maintenant, je pense de rentrer maintenant les détails d'une discussion ethnologique, je pense ici n'a pas beaucoup de sens, et d'abord parce qu'il faut avoir certaines connaissances, et on a proposé à tour de rôle différents peuples pour tenir le bon rôle dans la société mondiale. Il y a aussi, je pense, un peuple au Tibet, etc. Donc on a découvert qu'il vit dans un communisme, dans une égalité de sexe parfaite. J'ai oublié le nom de ce peuple, donc ils vivent, je pense, là, dans le Cachemire. Ce sont des connaissances. Les ethnologues ont découvert beaucoup effectivement, de choses intéressantes. Cela démontre, c'est ce qui est sûr, cela démontre l'extrême plasticité et variété de la culture humaine. Et donc il n'y a effectivement pratiquement aucun élément, même pas qui on trouve partout dans toute société humaine. Mais en même temps, pour ce que je vois, il n'y a aucune société qui peut être vraiment indiquée comme un modèle positif maintenant à reprendre. Donc ce n'est pas le cas. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que rien n'est donné. Donc on ne peut pas parler d'une nature humaine. Donc on ne peut pas dire c'est naturel à l'être humain d'avoir des hiérarchies, c'est naturel que les hommes dominent sur les femmes, c'est naturel d'avoir désirer la richesse, etc., parce qu'on trouve toujours au moins une exception sur la Terre, ce que démontre qu'il n'y a rien de biologique, il n'y a pas de nature humaine. Mais en même temps, on peut quand même aussi voir que très souvent, même le trait que nous pouvons trouver positif, par exemple certains éléments de démocratie directe, certaines égalités hommes-femmes, etc., peuvent parfois aussi se trouver mélangés à d'autres aspects qui ne sont pas du tout sympathiques. Donc là aussi, des fois, si on part chercher le bon sauvage, exemple, vous pouvez, on peut toujours trouver des populations qui sont assez démocratiques à leur intérieur, mais qui sont très belliqueux vers l'extérieur, par exemple. C'est déjà un peu le cas, par exemple, chez, ou même dans la Grèce, par exemple, chez les Spartiates. Et donc maintenant, je ne connais pas le cas spécifique des Papouas, mais il est évident, donc, on va en parler ici, donc, il existe des sociétés, par exemple, où, qui travaillent le moins possible, ou qui ne travaillent pas du tout dans nos sens. C'est aussi le sujet du livre de Marshall Salins, L'économie de l'âge de pierre. Donc justement, tout cela démontre que rien, donc ni le pouvoir, ni la poursuite de la richesse, fait partie d'une espèce de bagage humain donc, qu'il faut nécessairement porter jusqu'à l'Apocalypse. Vous connaissez sans doute aussi le livre de Pierre Clastres, La société contre l'État, où évidemment il analyse les différentes sociétés, surtout je pense à l'Indienne, qui ont trouvé des manières pour combattre justement le pouvoir, pour combattre la naissance d'un État, d'un pouvoir séparé dans leur sein. Mais les mêmes Clastres, d'ailleurs, même en décrivant que ces sociétés décrit en même temps, je trouve même avec une certaine complaisance aussi les horribles rituels d'initiation basés sur la douleur sur laquelle s'est basée cette société. Je ne sais pas si vous avez lu ce passage. Ce que démontre notre foi, donc il faut être justement voir effectivement combien de solutions différentes ont été proposées par la société humaine, mais je pense qu'aucune société ne peut vraiment être indiqué comme une espèce de modèle, comme une espèce de perfection vers laquelle on pourrait revenir. Mais justement, c'est une question à effectivement discuter. Donc, quel était le degré du fétichisme, jusqu'à quel point les gens aussi croyaient à leur propre fétichisme ou pas? Là, on a déjà parlé l'autre fois. Peut-être c'était presque, d'une certaine manière, mieux lorsque le fétichisme était explicitement religieux. De certaine manière, il était confié dans une sphère à part, tandis que pour nous, dans la société marchande, il y a pratiquement chaque objet de la vie quotidienne qui a une double nature, sensible, suprasensible. Mais on va voir, justement, chez Durkheim, que selon Durkheim, même par exemple, dans la société qu'il parle, il y a toujours la même, d'une certaine manière, la même dichotomie. Par exemple, il dit, en parlant des Australiennes, bon, je vous lis déjà cette citation anticipée, chaque membre du clan, donc en Australie, est investi d'un caractère sacré qui n'est pas sensiblement inférieur à celui que nous venons de reconnaître à l'animal. En effet, il en porte le nom. Or, l'identité du nom passe alors pour impliquer une identité de nature, parce que dans des sociétés totémiques, chaque être, chaque clan, chaque individu appartient toujours à un animal. Donc, il est identifié avec l'animal totémique de son clan qu'il ne peut pas manger, parmi d'autres choses. Et donc, Durkheim a dit, chaque individu a donc une double nature. En lui coexistent deux êtres, un homme et un animal. Donc évidemment, il ne faut pas maintenant identifier cette double nature de l'Australienne avec la double nature de la marchandise, mais il y a quand même quelque chose, effectivement, qui peut susciter la curiosité, justement lorsqu'on parle du fétichisme, justement lorsqu'on parle de cette tendance presque universelle humaine, donc d'investir, évidemment, les objets d'une signification qui est différente, évidemment, de leur simple caractère, disons, que matériel ou réel. Donc, évidemment, c'est la capacité humaine aussi d'investir des choses d'une signification symbolique qui, vraiment, si on devait, en plus, si on devait vraiment indiquer dans un seul facteur la différence entre l'être humain et l'animal, c'est sûrement la capacité de symbolisation. Assurément pas l'intelligence, comme ont démontré beaucoup d'études. Alors, je répète, on peut dire que toute société a été une société fétichiste jusqu'ici. C'est vraiment à prendre dans le sens que chaque société, d'une certaine manière, a confié le rôle de médiation sociale, ou ce que nous avons appelé ici d'autres fois la synthèse sociale, donc ce qui, d'une certaine manière, permet aussi aux membres de la société de communiquer entre eux. Ils ont toujours donc confié cela à un objet externe, donc qui n'était pas reconnu comme un produit social, mais comme une donnée naturelle ou divine. Et donc, de manière que là, il n'y a, donc, il n'y a donc, évidemment, il y a toujours une partie consciente de la société humaine qui peut peut-être, pouvait peut-être être même plus grande dans certaines sociétés donc, ethnologiques. Mais évidemment, dans toute société, à sa partie de opacité, évidemment, cette opacité est justement ce qu'on peut appeler le fétichisme. Et donc, justement, on peut donc, effectivement écrire une histoire du maître en étudiant ces différentes formes de fétichisme, ce qui d'ailleurs a été fait évidemment aussi par les historiens de la religion, mais c'est justement l'important, c'est d'aller au-delà de la religion explicite, évidemment, et surtout et de inclure les moyens de production dans le fétichisme. Comme je dis, donc, dans une société féodale, c'est la terre qui est également, également une fétiche, et dans la société moderne, c'est donc la marchandise qui est devenue le fétiche, en tant que matérialisation du lieu social, ou de ce que, je pense qu'on en a parlé, je trouve que le terme synthèse sociale est peut-être plus compliqué, mais finalement plus clair, que lien social, parce que le terme lien social qui était à la mode fait trop penser à quelque chose de conscient et de quelque chose qu'on peut régler, qu'on peut connaître. Donc, finalement, il y a les animateurs des banlieues donc, qui proposent d'organiser des repas de rue pour renforcer le lien social, etc. Il y a toute une industrie qui tourne autour de ça. Donc, je trouve que le terme synthèse sociale, proposé par Alfredson Rethel, en reprenant la terminologie d'Emmanuel Kant, le terme synthèse sociale, je pense, souligne mieux le caractère, de certaine manière, automatique, anonyme, impersonnel de cette forme de lien social. Synthèse sociale. Synthèse chimique, donc ce qui permet justement d'opérer ce miracle de mettre sur le même plan les individus ou les groupes humains qui, en tant que tels, spontanément, sont évidemment différents et font circuler entre eux des objets différents. Juste. Alors, d'ailleurs, il y a une autre question intéressante, mais qu'on n'est pas abordée pour le moment. Il y a cette idée que l'histoire humaine a été une histoire de constitution fétichiste, donc de différentes formes de conscience, comme l'a dit la critique de la valeur depuis le début. Est-ce que cela veut dire qu'on peut en sortir ou pas? Parce que c'est sûr qu'au début, au moment où la critique de la valeur l'a dit avec un certain enthousiasme, on se rappelle. Rattachant à la fameuse phrase de Marx où pratiquement il dit que la véritable histoire doit encore commencer. Donc, il y a donc effectivement une saut à faire totalement vers une forme de Marx dit exactement que la préhistoire de l'humanité doit encore terminer, donc la véritable histoire doit encore commencer. Évidemment, il y a cette idée, si on veut, assez messianique qui apparaît au monde parfois chez Marx, mais pas très dominante, qui a été après fortement repris par certains courants marxistes. Et là, évidemment, c'est une question qu'on peut peut-être laisser un peu pour le débat final. Donc, la question, est-ce qu'on peut vraiment penser qu'il est possible un jour d'avoir une société sans aucune forme de fétichisme? Et est-ce que cela est proche? Ce que voudrait quand même dire que nous sommes en train de vivre peut-être le plus grand changement depuis la révolution néolithique. Évidemment, c'est une idée très jolie, qui peut aussi être, en plus, on peut aussi citer quelques faits en appui de cette information. Aussi dire de toute manière, l'humanité a créé aussi de telles possibilités de destruction, d'autodestruction, qu'elle sera maintenant absolument obligée finalement de ne plus troquer une forme de conscience contre une autre, mais de passer vraiment vers une société vraiment consciente de ses propres moyennes. Ou est-ce qu'on peut quand même plus persistement de manière plus limitée, est-ce qu'il faut dire que on peut peut-être sortir d'une forme particulièrement ruineuse du fétichisme, comme le fétichisme de la marchandise, mais est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir une société totalement transparente où il n'y a pas de médiation sociale autonomisée? Je répète, c'est une question qu'on n'avait pas discutée aujourd'hui, on peut peut-être la laisser pour la fin, parce que ça touche évidemment une espèce de questions très, très vastes. Alors, donc justement, donc ici, donc on ne peut pas faire une histoire systématique du fétichisme, je voulais justement donc faire une espèce de lien entre donc, le fétichisme au sens étroit, donc, tel qu'il a été décrit par Durkheim et par Mauss et les auteurs sur lesquels il s'appuie, et le fétichisme le moderne. Et justement, il y a là. Évidemment, Durkheim et Mauss ne se posent pas vraiment le problème de faire une lien direct. Il a dit, comme je dis, Mauss trouve surtout dans l'essai sur le don, et il trouve effectivement que le don régit encore une partie même de nos sociétés modernes. C'est aussi la base de tous les sociologues contemporains comme Alain Cahier et la revue du Mauss qui se rappelle de lui. Mais maintenant, la question du don, mettons-le momentanément à côté pour la prochaine séance, parce que effectivement, le don n'est pas exactement la même question comme le fétichisme, comme les manas. Ce sont quand même deux questions qu'il faut au moins pour les nécessités d'une discussion, il faut quand même, je pense, les traiter séparément. Et tandis que la question du fétichisme donc, est essentiellement traitée évidemment comme un problème ethnologique, pas l'anthropologie culturelle. Parce qu'évidemment, on présuppose toujours qu'au moins depuis l'époque de Lumière, nous sommes dans une société qui est consciente d'elle-même. C'est évidemment que c'est toute la théorie bourgeoise qui se base sur cette idée. Et justement, le mérite de Marx et de Freud, mais de certaine manière aussi de Durkheim, est justement d'insister sur toute la partie non consciente de la société moderne, justement sur cette espèce de lumière qui n'a pas vraiment abouti. Et sur le fait que même dans la société moderne, une bonne partie de ce que nous faisons, d'une certaine manière, se passe derrière notre dos. Donc nous ne sommes pas conscients de ce que nous faisons. Donc toute considération sur le fétichisme est aussi une considération sur le rôle de l'inconscient social et individuel dans la société. Et voilà pourquoi on peut quand même dire. Je dirais que Marx, Freud et Durkheim sont effectivement les trois auteurs au monde de leur époque qui ont le mieux décrit cette partie de l'inconscient dans la société humaine, même si évidemment leur approche était complètement différente. Et alors, donc, ça semble plutôt évident pour Marx et Freud, donc il y a une espèce d'analogie dans cette description de l'inconscient, une fois individuel, une fois plutôt collectif. Peut-être, il peut être plus surprenant que je cite donc Émile Durkheim comme le troisième dans cette lignée, parce qu'en général, Durkheim n'a pas bonne presse dans la pensée critique. Comme vous savez, donc Durkheim était un auteur, donc professeur de sociologie très officiel à son époque, il est mort en 1917, donc il avait une grande influence. Et d'une certaine manière, c'était le penseur, le sociologue officiel de la Troisième République. Et donc, ce qui fait qu'en général, donc, il est considéré donc un auteur, un auteur politiquement plutôt conservateur. Et surtout, d'une certaine manière, Durkheim prêchait d'une certaine manière le fait que la société est un fait inévitable et que nous ne pouvons pas faire autre chose que nous adapter à la société telle qu'elle est. Donc c'est tout le contraire d'une approche critique. Et en effet, Durkheim n'avait aucune intention de critiquer la société de son temps. Il était un peu socialiste, il était catalogué comme ça, non marxiste. C'était plutôt son niveau élève Mauss, donc C'était l'esprit républicain, donc on peut appeler, certainement, il était socialiste dans le sens qu'il appelait effectivement pour de certaines réformes, pour l'assurance sociale, et donc pour une espèce d'entente majeure. Oui, il dit oui, mais c'est Et la division du travail social, c'est lui, c'est pas lui qui est un réactionnaire. Oui, mais, oui, vous le dites. Oui, peut-être, c'était peut-être manière un peu la même chose. Non, qui d'accord, mais... Non, non, moi je dis... Ce serait comme dire que, je sais pas, Kitchen c'était un révolutionnaire parce qu'il était pour les... Oui. Parce qu'il était pour les, mutuelles. Enfin, c'est des gens qui voulaient huiler le système au maximum, Keynes, par exemple. Ouais. C'est la même chose, il était à la fin, il était pour les mutuelles, mais c'est des gens qui voulaient huiler le système, c'est-à-dire qu'ils voulaient chercher à avoir des... Sur Keynes, il veut une science qui va permettre d'organiser au mieux possible et de rationaliser au mieux possible, pour redonner une société qui ne critique pas à aucun moment. Oui, mais donc il n'était pas un réactionnaire, donc il n'était pas un adepte du laisser-faire. Il demandait une force d'intervention éternelle. Un républicain social dans l'époque. Oui, mais bah, sa politique, c'était à peu près la même chose que Bismarck a fait en Allemagne. Donc c'était une intervention étatique donc, pour éviter que, finalement, que le couvercle sorte. Donc c'était. Donc on demandait, il y a un même mot également dans la dernière partie de l'essai sur le don, il y avait une espèce d'appel au patron d'être raisonnable, de partager avec les ouvriers, de comprendre que c'est leur intérêt de faire des caisses, par exemple des caisses de maladie, des caisses de chômage. Donc il y a une espèce d'appel à une espèce d'entente sociale, parce que justement Durkheim, ce qui les préoccupait beaucoup, c'était que de l'un côté le conflit entre travail et de l'autre côté, ce que le peuple aime beaucoup, c'était évidemment que la religion ne pouvait plus tenir justement son rôle de l'espèce de pacification sociale. Et donc justement, ils se demandaient comment rétablir une nouvelle forme de solidarité sociale, justement, ce qu'il appelle justement la solidarité organique. Comme je dis, son neveu et élève, Marcel Mauss, allait un peu plus loin, mais je pense qu'il était entre les deux guerres, il patrocinait une espèce de socialiste réformateur avec de fortes tendances corporatistes, ce qui d'ailleurs parfois allait au contraire assez proche d'une certaine. Ça pouvait même se rapprocher d'un certain fascisme à l'italienne. Donc c'était assez connu, c'était assez répandu à l'époque. Donc cette consistance sur le rôle positif des corporations, des métiers, et donc cette espèce de solidarité du métier. Donc. Mais ici, justement, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas mesurer ces auteurs sur leur intention politique explicite. Et justement, je trouve que Durkheim, justement là où il est entre guillemets le plus réactionnaire et le plus dur, il dit beaucoup plus de vérité sur la société capitaliste que beaucoup d'auteurs progressistes, parce que justement, Durkheim fait partie de ce qu'on peut appeler les écrivains noirs. Donc, moins visible, mais c'est la même ligne de Machiavel, de Hobbes, de Mondeville, de Sade, donc des auteurs de certaine manière qui disent pratiquement, qui ne tentent plus de faire passer la société pour meilleure de ce qu'elle est. Donc Durkheim décrit la société comme une espèce de réalité écrasante qui laisse à l'individu seulement le choix de s'adapter ou de périr. Et donc, d'une certaine manière, donc, si on ne laisse pas fourvoyer par ses intentions apologétiques, qui étaient, parce que lui, il était absolument un apologiste de cette situation-là, si on le prend comme description, donc, d'une certaine manière, c'est beaucoup plus vrai que tout, par exemple, ce qu'on appelle en sociologie la théorie de l'action, qui affirme toujours que ce sont des acteurs qui ont la possibilité de changer leur vie. Et qui finissent par donner finalement un portrait assez rose d'une société où il y a peut-être des malfonctionnements, mais qui en vérité est toujours ouvert à tous. De certaines manières, Durkheim dit où c'est ça ou rien. Et la nommée et le suicide aussi, c'est lui ça. Oui, la nommée et le suicide, dans la société d'aujourd'hui, on pourrait voir qu'il y a encore des concepts qui fonctionnent. La nommée du suicide. La nommée. Le suicide anonyme. Oui, société, utilité. La croix du suicide, c'est l'anomie du suicide. Ouais. C'est écrit comment ? A-N-O-M-I-E. L'anomie ? Anomie, c'est-à-dire perte des liens sociaux, des références. Anomie, c'est perte de la synthèse. Oui, son nom, c'est ça. Oui, parce que c'est un individu désocialisé. Oui, parce que Durkheim, il a vu dans son étude pionnière sur le suicide, il a eu cette idée, pour qui ne sait pas, de superposer deux courbes statistiques, le taux de suicide et la marge de l'économie, et donc de faire la comparaison. Déjà comme méthode, c'était assez nouveau à l'époque, de comparer donc deux choses sur la longue durée, donc deux statistiques. Il a découvert le fait que le suicide augmente en temps de prospérité économique, donc ce qui a priori donc n'est pas facile à expliquer. Et donc il a donné cette explication qui je pense a été acceptée jusqu'à aujourd'hui, donc qu'en général dans le moment de prospérité économique porte en général aussi d'une croissance des attentes qui va encore beaucoup plus vite que la croissance réelle, donc les individus sortent de leur horizon traditionnel, donc ils trouvent un déliement du lien social, c'est ce que la anomie, donc en grec, donc l'absence de loi, donc ils se sentent désorientés. Et ils ont des grandes attentes, donc aussi vers une réussite possible, qui finalement, très souvent, risque d'être frustrée. Voilà pourquoi la société de prospérité économique donc, crée un nombre majeur de personnes donc, qui finalement donc, ne réussissent absolument pas à réaliser leur vie selon leurs souhaits. C'est effectivement un fait qui semble que dans les guerres, par exemple, le taux de suicide, le suicide presque disparaît, par exemple, dans le moment des guerres. C'est définitivement. Tu meurs à la guerre, pas la peine. Des suicidaires, ils meurent à la guerre. Pendant les 68. Après 1968. On est quelques années après 1968. C'est sûr qu'elle existe. J'ai vraiment. On a ajouté beaucoup d'observations dans cette étude pionnière de Durkheim, mais là aussi c'était important chez Durkheim, c'était l'idée de ne pas analyser la société à partir des intentions de ses membres, de ses acteurs, mais de l'étudier comme presque avec les méthodes des sciences naturelles, et de considérer la société comme une réalité, sui generis, donc une réalité à part, donc qui n'est pas simplement l'ensemble de ces acteurs. Tandis que, en général, même toute la historiographie traditionnelle a quand même toujours expliqué la société en général, aussi la marche de l'histoire, comme pour le rôle de grands personnages, le rôle de nouvelles idées, de débats. Et donc l'histoire était quand même essentiellement présentée comme une espèce, comme effectivement quelque chose de fait par l'être humain. Donc, Durkheim, en vérité, il se place sur un terrain positiviste. Je dis, son terrain est très éloigné, évidemment, de toute l'approche de Marx. Mais il veut étudier la société, d'une certaine manière, presque comme on étudie la vie d'une espèce animale, donc aussi à l'aide statistique, etc. Mais en le faisant, d'une certaine manière, il décrit. Ce que la société capitaliste, au moins, est effectivement donc une société effectivement, qui a, d'une certaine manière, le même caractère, disons, aveugle et anonyme, comme justement peut l'être une naturelle. Et justement, donc le mérite, je dirais, de Durkheim sont justement là où lui-même il ne les voyait pas, il les aurait refusés. Donc il a donné une portrait critique d'une société capitaliste justement à travers son apologie. Donc justement, certainement, il n'y a pas cette illusion que la société est là pour nous faire plaisir. Donc, et donc même, par exemple, dans la division du travail social, son premier livre, donc il disait clairement, par exemple, que la société oblige la plupart des personnes à des travaux absolument pas agréables et épuisants. Il dit même qu'en général, le progrès ne sert en vérité, ne nous rend pas plus heureux. Il est dit au début de la deuxième partie de la division du travail social que en général, ce qu'on appelle le sauvage sont plus sains, sont plus heureux que nous. Donc, ce n'est pas la recherche du bonheur qui nous a poussé à la division du travail. La division du travail rend malheureux, de certaines manières. Donc, il est bien conscient. Donc il ne tente pas du tout à embellir le tableau, mais il dit simplement qu'il n'y a pas d'alternative. Donc justement, on n'est pas obligé de suivre Durkheim sur le terrain de ses conclusions pour trouver que quand même, il a donné une description, en tant que description, qui est assez supérieure aux autres théories beaucoup plus optimistes. Et évidemment, si on fait en plus cette remarque, évidemment que Durkheim pensait de... étudier la société humaine en tant que telle. Voilà pourquoi donc, il a pu faire des études autant sur les Australiennes comme sur la société française de son époque, parce que pour lui, de certaine manière, la société est toujours la société et les différences sont relativement peu importantes. Donc justement, il pensait même de pouvoir trouver dans la société les plus primitives déjà certains éléments fondamentaux de toute société. Et ce qui d'ailleurs... entre guillemets, aussi intéressant parce que cela contribuait quand même aussi indirectement aussi à combler cette lacune entre une culture européenne prétendument absolument supérieure et les autres qui étaient les sauvages. Certainement, justement, Mauss et Durkheim insistent beaucoup plus sur ce que toutes les cultures humaines ont en commun plutôt que sur ce que les sépare. Donc, si on veut, il y avait même un élément sur le antiraciste implicite. Même si, évidemment, elle restait dans une schéma très, très évolutionniste où les Européennes, où le français de 1900 se situe surtout sur une espèce d'apogée de l'évolution humaine. Mais comme je dis, donc, le considérateur, évidemment, c'est le caractère coercitif de la société. En général, et donc une donnée universelle pour Durkheim. Évidemment, c'est là son limite, mais si évidemment on accepte sa description comme une description du caractère coercitif et inconscient de la société moderne capitaliste, on peut trouver que sa description est beaucoup plus juste que d'autres vues plus positives. Beaucoup de théories qu'on appelle subjectivistes, par exemple, toute théorie non marxienne et marxiste qui explique l'histoire, par exemple, comme un résultat de lutte des classes où les acteurs savent toujours ce qu'ils font, et donc il s'agit simplement d'avoir la juste direction du parti pour savoir comment pousser les événements. Selon moi, et finalement, et comme par exemple la théorie, par exemple, opéraïste de Tony Negri, disons que je trouve que c'est beaucoup plus loin d'une compréhension de ce qu'est la réalité capitaliste plutôt que d'une théorie objectiviste comme comme celle de Durkheim. Justement, il ne faut pas le ontologiser comme une description de toutes ces sociétés humaines. Et encore, faut-il dire qu'à l'intérieur de ce cadre, mais même si Durkheim réfléchit sur la société en tant que telle, en plus, il le dit plusieurs fois qu'en général, les sociétés primitives écrase beaucoup moins l'individu que la société moderne. Donc il laisse même la porte ouverte à la possibilité de créer des sociétés moins compressives. Seulement que pour lui, cette possibilité, évidemment, se situe dans une espèce de passé irrécupérable. Oui. Il n'y a pas des sens en conscience. Par exemple, chez Hegel, il n'y a pas de nécessité, même par exemple chez Hegel, que les gens sachent ce qu'ils font. C'est-à-dire, c'est le sens de la revue de l'histoire chez Hegel. C'est-à-dire, les gens ne sachent pas ce qu'ils font, mais ils le font. C'est-à-dire, il n'y a pas nécessairement, même chez Weber, je pense, de nécessité et de connaissance de tous les obtenants et les aboutissants. Il n'y a pas de vision nécessairement, on va dire, même, je ne suis pas fan de Negri, mais même chez Negri, je pense qu'il n'y a pas aussi caricature que ça. Les deux visions ne sont pas encore une fois à Weber, on ne dit pas que tous les gens sont inconscients de ce qu'ils font et que la société est transparente à elle-même. Enfin, Weber ne dit pas de telles absurdités, heureusement, mais il est bien supérieur à Durkheim. Il y a ici simplement une caution de vouloir réfléchir les situations des acteurs. C'est-à-dire, je crois que c'est quand même de toute façon, là, par exemple, la méthode qui est proposée par Weber, par exemple, quand il dit il faut prendre la vision, enfin, voir les gens en tant que. Place dans leur place dans les processus de production, c'est-à-dire disons, objectivement, mais en même temps de ne pas se dissocier de la de pourquoi les acteurs font les choses. C'est-à-dire que ce sont deux choses différentes. La façon dont des gens vont rationaliser leur vie, c'est-à-dire leur idéologie en l'occurrence, et peut être tout autant importante et peut être tout autant intéressante à comprendre, même pour comprendre des choses objectivement derrière, que les structures sociales que Durkheim reconstruit d'une façon absolument aberrante. Enfin, Marx n'a jamais eu de mot assez dur sur justement toutes les élucubrations sur la société. La société, ça n'existe pas. C'est un concept recréé de toutes pièces à laquelle en plus on donne les trois quarts du temps une volonté. La société, elle veut. Non, la société, elle ne veut rien. Et justement, le problème d'employer le mot société, en plus pour parler des Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce qui est quand même encore plus aberrant, même qu'un historien aujourd'hui qui ferait une telle chose, c'est justement de vouloir commencer à personnifier ce qui n'a pas à être personnifié. Et là, on commence déjà à tourner en fétichisme à partir du moment où on parle de la société. Parce qu'on commence déjà à fétichiser un concept. C'est-à-dire, la société, elle leur existerait comme ça, comment, par qui, qu'est-ce qu'il a recréé. Durkheim, il ne fait que recréer abstraitement et arbitrairement des relations avec la vie qui existe réellement, mais qui n'est pas non plus une réalité. Par exemple, Michel Henry, enfin, de la même façon ici, toute la critique qu'il fait dans l'idéologie allemande à Stirner, c'est cette critique-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait Stirner ? Stirner, c'est un individualiste radical, il détruit tout. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il va reconstruire lui-même aussi une théorie sur la société qu'il voudrait. Donc ici, c'est pareil. Enfin, le côté objectivant de la société lui-même peut facilement se retourner à une sorte de, justement, de fétichisme de la société. C'est-à-dire, la société existerait, il y aurait une société comme ça. Non, il y a un regroupement d'individus à l'arrière qui décident de faire des choses en commun et abstraitement, on a donné un concept. Ok, mais ce concept, il vaut pas au-delà de la représentation qu'on a de ce regroupement d'humains et des liens qu'ils ont entre eux en tant qu'atomes, en tant que nomades, on va dire. Chez Marx, c'est quand même une vision du nomade, hein, en tant que nomade, et la société en tant que nomade, c'est-à-dire en tant que regroupement d'individus. Donc, je ne sais pas si vraiment ici on peut si facilement faire une différence, une distinction entre ici Weber, ou les individualistes qui seraient dans une sorte de naïveté sur la société, qui ne comprendraient pas qu'en fait derrière il y a plein de choses et tout. Et dans ce côté de Durkheim, même Bourdieu, qui n'est pas forcément très malin, sur ça, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit la question n'est pas d'opposer Durkheim à Bourdieu, ou d'opposer l'individualisme méthodologique à une vision, on va dire, plus objectiviste de la sociologie. Les deux sont liés, il n'y a pas ici... Enfin, je suis d'accord avec vous qu'il y a tout un courant sociologique extrêmement acritique et complètement naïf sur ces choses-là, effectivement, qui pense les actions d'un individu comme des choses qui existaient réellement. Mais pour autant, je ne pense pas qu'on puisse distinguer ces deux choses et surtout qu'on puisse faire une sorte d'opposition aussi radicale entre l'individualisme méthodologique et le holisme de travail. Et surtout, je méfie de la tendance à holiste à justement recréer abstraitement et arbitrairement des concepts globaux comme celui de société. Puisque là, on commence directement à fétichiser tout. La société, elle ne veut rien. La société, elle n'existe pas. C'est un concept. On ne sert pas un nom au concept les maths. L'affirmation que la société n'existe pas, moi je le connaissais comme la phrase centrale de Margaret Thatcher. C'est pas Marx qui l'a dit. En premier lieu, Marx, dans sa polémique contre Stirner dans l'idéologie allemande, c'est quoi la phrase? En premier lieu, c'est la critique qu'il fait à Stirner de recréer abstraitement. Alors il détruit tout Stirner, mais après tout, il se crée une sorte d'ennemi qui, comme le disait Marx à un autre moment contre Bauer, cette fois dans la Sainte Famille, qui, la masse, hein, ou la société, qui va agir contre elle. Stirner se moque ici, justement, Marx se moque de Stirner, qui recrée un concept qui lui aussi est au-dessus de sa tête, et qui vient lui poser des problèmes. Ou la société, elle m'en veut, la société, elle veut rien. C'est à regard des places précises, une catégorie sociale précise, justement, Marx n'aura pas de mot assez dur contre ce concept qui, pour lui, est un euphémisme. C'est-à-dire, la société, ça n'existe pas, c'est un rapport de classe. Quand on dit la société, justement, ce qu'on reproche beaucoup à Durkheim, c'est de camoufler derrière le mot société tout un ensemble de relations de classe et de rapports de domination. La société, elle veut rien. Il y a par exemple un ensemble de rapports de domination fétichistes et monétaires. Oui, là, on s'éloigne un peu, mais pour répondre brièvement, d'abord, l'idéologie allemande de Marx est de toute manière l'œuvre la plus nominaliste de Marx, effectivement. Donc, ce n'est peut-être pas surprenant qu'elle ait un peu critiqué le concept de société. Je ne peux rien trouver, au contraire, je trouve que le Marx du Capital décrit également justement la société comme une objectivité toute donnée qui essentiellement s'articule à travers, par exemple, les conflits des classes, parce que ce ne sont pas les conflits des classes qui constituent la société. Et en plus, Stirner, on va en parler dans quelques coups, effectivement, Stirner, effectivement, un concept de société qui n'a rien à voir avec les actes individus, mais justement, la société, donc par externe, est justement une projection narcissique, justement, sur certaines manières, Marx, sans utiliser le mot son, que pour externe, elle existe seulement pour son propre moi et tout le reste de l'existant qui se oppose abstraitement à l'individu. Et justement, avec cette description externe, on volait aussi même à la Lune, disait que. Et justement, donc là, on est parlé de société, on parle de vérité, c'est-à-dire avec des mensonges, le savoir, il oppose vraiment le moi narcissique absolument appauvri contre tout le monde des objets. Donc là, c'est une autre question, mais justement, je voulais citer, et donc et plus tard, donc Stirner, justement, comme une espèce de précurseur de la mentalité bourgeoise et narcissique. Mais pour le reste, alors maintenant. Donc, on s'éloigne un peu en vérité. Je voulais citer Durkheim, pas pour une confrontation systématique, ni avec Marx, ni avec Weber et d'autres. En vérité, Durkheim nous intéressait aussi ici, surtout pour ce qu'il disait sur le fétichisme et l'importance donc, de Durkheim réside quand même dans le fait que plus que tout autre, il a quand même insisté sur comment la société se présente aux individus, donc comme une espèce d'objectivité évidemment totalement donnée. Donc l'apparence fétichiste, il a bien décrit évidemment ce que Durkheim ne comprenait pas très bien, c'était qu'évidemment il s'agit quand même d'une espèce, ce n'est pas une structure objective, la société est objectivée, parce qu'évidemment elle reste quand même effectivement de certaine manière une structure fétichiste, donc de certaine manière, ce sont donc les actes humains qui se passent derrière les dos des participants. Donc tandis que chez Durkheim, on a l'impression que la société est vraiment une donnée naturelle, et donc l'être humain est vraiment lié à la société comme la fourmi à son fourmilière. Donc là, donc, justement, Durkheim n'y fait plus la différence entre une pseudo-nature et la société qui est une pseudo-nature est une véritable nature. Mais après, évidemment, comme je dis, donc, on peut évidemment après beaucoup le suivre dans les détails, comment donc, cette articulation entre l'individu et la société arrive chez Durkheim, chez Weber et chez Simmel et chez les autres fondateurs de la sociologie. Et cela nous amènerait un peu loin. Je trouve quand même justement, je voulais justement souligner sur le fait que justement Durkheim a plus que les autres sociologues insisté sur le caractère fétichiste de la société moderne. Le fait et la circonstance qu'il a fait plutôt dans avec une intention apologiste, selon moi, n'enlève rien à la justesse de sa description. Et donc, est-ce que tu serais d'accord avec cette... Non, je suis relativement d'accord. Ce qui est bien, c'est juste parce que c'est juste la conséquence. Quand on parle ici de fétichisme tout à l'heure, alors que pour moi, justement, quand on commence à extrapoler le concept de société, et Durkheim le fait justement beaucoup quand il commence à personnifier cette société, c'est ça qui, dans le mouvement de Durkheim, qui me pose problème. C'est-à-dire cette façon dont on a tendance à commencer à personnifier un concept, ce qui pour moi est déjà le début d'un fétichisme. C'est-à-dire à partir du moment où on commence à donner justement un concept créé par des humains, une sorte de volonté, on est exactement dans le fétichisme. Oui, parce que c'est absolument, Durkheim, il fétichise absolument la société. Donc il a décrit correctement en y rajoutant encore. Donc il a décrit, il décrit la société comme fétichiste et il dit que c'est bien. Et c'est un peu la même chose. Il existe d'ailleurs un intéressant essai d'Adorno sur Durkheim, je pense qu'il a même été traduit, parce que l'introduction qu'Adorno a écrite dans les années 60 à une édition allemande de sociologie et psychologie de Durkheim, justement où l'on insiste aussi sur le fait, il dit que, par exemple que j'ai traduit maintenant, donc sa thèse sociologique que, avec une certaine exagération, donne la religion, la société adore soi-même, ou fait un culte d'elle-même, et chez Durkheim n'a plus cette espèce, n'a plus ce ton de lumière que des pensées similaires avaient encore au XVIIIe siècle et ensuite chez Feuerbach. Non, pour Durkheim, la religion ne vient pas démystifier en tant que projection sociale, mais au contraire, la science de Durkheim attribue à la société encore une fois cette espèce de divinité que la société avait déjà créée dans la religion. Donc Durkheim, pour utiliser une expression de Marx, et toujours Adorno, donc il mystifie la société. La pensée de Durkheim, d'une certaine manière, se laisse contagier par la pensée de peuple primitif. Donc ce qu'il dit Adorno dans son raisonnement, en plus, c'est quand même assez compliqué. Donc c'est quand même justement que, d'une certaine manière, Durkheim, il comprend ce caractère, aussi le caractère sacral de la société, mais d'une certaine manière, donc au lieu donc, de dire que la société, donc la religion n'est qu'une projection de la société, il dit que la société est vraiment quelque chose de divin. Parce qu'il aussi, il dit, toujours du leader Karl, il dit à la première page de son livre, il n'y a donc pas au fond des religions qui soient fausses. Toutes sont vraies à leur façon. Toutes répondent, quoique de manière différente, à des conditions données de l'existence humaine. Donc justement, donc l'intention de Durkheim donc, n'est pas de démontrer la fausseté de la religion, mais de dire, d'une certaine manière, l'être humain a tout, d'une certaine manière, les différentes formes sociales se présentent toujours comme quelque chose d'absolument séparé par rapport aux individus. Donc que ce soit dans la religion proprement dite ou dans la société, on reste toujours dans une domaine qui nous est totalement inaccessible. J'ai dit, évidemment, on n'est pas d'accord avec Durkheim lorsqu'il fait de cela une espèce de constante anthropologique. Mais de l'autre côté, il décrit assez bien la manière comme la société, le capitalisme se présente à nous, comme une espèce de forme, comme une espèce de divinité au quotidien. Je trouve que justement, le mérite de Durkheim réside dans ceci. Après, la question qui, selon moi, est intéressante à voir, c'est... Donc Durkheim décrit le fétichisme, il le décrit explicitement comme une espèce de projection sociale. Il y a donc une phrase que j'ai aussi citée dans mon livre « Les aventures de la marchandise » où je vous la lis par entier. Ainsi, le totem est avant tout un symbole, une expression matérielle de quelque chose, mais de quoi ? Mais d'un autre côté, il est aussi le symbole de cette société déterminée qu'on appelle le clan. Si on est le drapeau, c'est le signe par lequel chaque clan se distingue des autres. La marque visible de sa personnalité, marque que porte tout ce qui fait partie du clan à du titre quelconque, homme, bête et chose. C'est donc, et il est à la fois le symbole du Dieu et de la société. N'est-ce pas que le Dieu et la société ne font que un? Comment l'ensemble du groupe aurait-il pu devenir la figure de cette quasi-divinité si le groupe et la divinité étaient deux réalités distinctes? Les dieux du clan, le principe totémique, ne peut donc être autre chose que le clan lui-même, mais hypostasié, représenté aux imaginations sous les espèces sensibles du végétal ou de l'animal qui sert de totem. Une société est à ses membres ce qu'un dieu est à ses fidèles. Un dieu, en effet, c'est d'abord un être qui l'homme se représente par certains côtés comme supérieur à soi-même et dont il croit dépendre. Donc, tandis que beaucoup d'autres théories de la religion, par exemple, expliquaient le sacré comme une espèce de tendance innée de l'être humain de vénérer quelque chose qui est hors de lui, ou de expliquer le phénomène de la nature, par exemple, en personnifiant le vent, l'eau, etc. Donc, cette manière révolutionnaire chez Durkheim, donc, il présente explicitement toute forme de religion comme une projection, donc une projection du pouvoir social, comme une projection inconsciente. Là, il y a effectivement quand même une lien avec la critique qui des Lumières vers la religion. Mais il la retrouve justement pas seulement dans la religion, en somme, c'est trois, mais dans un phénomène beaucoup plus vaste qui est toute la zone que tout le phénomène du sacré. Et donc, tout sacré donc, est analysé par Durkheim donc, comme une espèce de. Justement comme la société, donc d'une certaine manière, qui adore son propre pouvoir en le projetant sur un être extérieur. Donc là, c'est en bref la théorie, qui après, justement, il lit cette théorie à la conception du mana, donc de cette espèce de cuisson, cette espèce de fluide impersonnel donc, qui existe, qui peut se concrétiser en certains objets sacrés, en certaines personnes, mais qui essentiellement existe, on peut dire essentiellement existe à l'état libre, donc toute la concrétisation n'est autre que temporaire, comme et justement cette espèce de fluide donc qui peut être un peu partout et nulle part et donc interprété par Durkheim justement comme une espèce de conscience non consciente du pouvoir de la société, de son pouvoir de faire. Justement, je pense que le temps n'est pas assez long pour lire donc, tout le passage de Durkheim et des mots que j'avais transcrit sur ce sujet. Je vous lis juste brièvement quelques définitions du mana chez Mauss, donc dans son esquisse d'une théorie générale de la magie, donc un écrit de, je pense, de 1905, donc bien antérieur à l'essai sur le dôme. Mauss dit, le mot de mana est commun à toutes les langues mélanésiennes proprement dites, et même à la plupart des langues polynésiennes. Le mana n'est pas simplement une force, un être, c'est encore une action, une qualité et un état. En d'autres termes, le mot est à la fois un substantif, un adjectif, un verbe. On dit qu'un objet, d'un objet qui est le mana, on dit qu'il a cette qualité. Et dans ces cas, le mot est une sorte d'adjectif. On dit d'un être, esprit, homme, pierre ou rite, qu'il a du mana, le mana de faire ceci ou cela. On emploie le mot mana aux diverses formes, aux diverses conjugaisons, il signifie alors avoir du mana, donner du mana, etc. Une somme. Ce mot subsume une foule d'idées que nous désignerons par le mot de pouvoir de sorcier, qualité magique d'une chose, chose magique, être magique, avoir du pouvoir magique, être incanté, agir magiquement. Il nous présente, réunis sous un vocable unique, une série de notions dont nous avons entrevu la parenté, mais qui nous était ailleurs donnée à part. Il réalise cette confusion de l'argent, du rite et des choses qui nous a paru être fondamentale en magie. L'idée de mana est une de ces idées troubles dont nous croyons être débarrassés et que, par conséquent, nous avons peine à concevoir. Elle est obscure et vague et pourtant d'un emploi étrangement déterminé. Elle est abstraite et générale et pourtant pleine de concret. Sa nature primitive, c'est-à-dire complexe et confuse, nous interdit d'en faire une analyse logique, nous devons nous contenter de la décrire. Pour M. Codrington, il s'étend à l'ensemble des rites magiques et religieux, à l'ensemble des esprits magiques et religieux, à la totalité des personnes et des choses intervenant dans la totalité des rites. Le mana est proprement ce qui fait la valeur des choses et des gens, valeur magique, valeur religieuse et même valeur sociale. La position sociale des individus est une raison directe de l'importance de leur mana, tout particulièrement la position dans la société secrète. L'importance, l'inviolabilité, le tabou des propriétés dépend du mana de l'individu qui les impose. La richesse est censée être le fait du mana. Dans certaines îles, le mot de mana désigne même l'argent. Donc ce concept de mana a été, avec ce mot, décrit pour la première fois en 1814 par un voyager. Après, donc, il a été généralisé à la 1814, donc, le voyageur. Mais le concept a été beaucoup plus utilisé dans l'ethnologie à la fin du 19e siècle et donc, a même été proposé comme une espèce de racine commune de toute expérience du sacré. Donc évidemment, le sacré peut être conçu comme quelque chose de beaucoup plus bas, c'est toute religion explicite, c'est évidemment toute forme aussi d'animisme, toute forme de rapport non scientifique à la nature. Et donc pour beaucoup d'éthologues, donc de certaine manière, le mana, donc on peut trouver évidemment avec d'autres noms, dans beaucoup d'autres cultures humaines, peut peut-être presque considéré comme une de formes principales, fondamentales de l'approche humaine au monde. Donc justement, l'émanat a cette idée qu'il y a une espèce de pouvoir, un pouvoir qui réside dans les choses, qui est comme une espèce d'élément contagieux, donc on peut aussi se emparer, qui peut avoir une certaine quantité, donc un chef, par exemple, une haute société, chef d'une tribu, justement, quelqu'un qui a beaucoup de mana, de certaine manière, on pourrait dire qu'il a réussi à magasiner ses mana. Donc le mana peut être transmis à d'autres à travers des rites. En même temps, le mana est dangereux, donc très souvent, il est lié au tabou. Donc si on traite ce mana de manière non appropriée, ou pas de façon non appropriée, ça peut porter beaucoup de mal. Donc, dans toute cette indétermination, le concept de mana donc, peut être effectivement considéré comme une espèce d'élément de base de toute conception du sacré, parce que toute conception du sacré se base aussi normalement sur l'idée du pur, des choses qui sont dangereuses à toucher, mais en même temps qu'il faut réussir de certaine manière à dominer pour pouvoir en tirer des avantages. J'allais parler d'argent, justement, qui est l'équivalent universel. Oui, justement. Bien, tout ce que vous dites, ça peut... Oui, justement, je voulais y arriver. Alors, pourquoi donc je parle ici tellement du mana, d'un parce qu'ici, on n'est pas dans un discours strictement ethnologique. Parce que, d'un côté, justement, ce que nous intéresse, c'est l'analogie, évidemment, avec le fétichisme moderne. Donc, d'un côté, on peut dire que le fétichisme, même dans sa forme classique, est évidemment une forme de traiter le mana en tant que projection des pouvoirs sociaux. Et là, et après, donc justement, on va maintenant faire un grand saut en avant, on va reprendre notre concept de travail abstrait. Donc justement, nous avons beaucoup insisté sur le travail abstrait, donc sur le fait que dans la société, dans une société marchande, donc toute marchandise, donc tout service et bien, est justement considéré comme expression d'une quantité mineure ou majeure, justement, de quelque chose qui n'a pas une qualité propre. Le travail abstrait, en tant que pur pouvoir, d'une certaine manière, un pouvoir passé, juste. Et là, il y a quand même des analogies surprenantes qu'on peut faire entre le mana et le travail abstrait. Donc, comme le mana, le travail abstrait, est une projection de quelque chose qu'on ne peut pas constater avec le sens. Je vous rappelle toujours une chose qu'on oublie. Si nous traitons un objet sur la base du travail qui était nécessaire pour sa production, le travail n'est plus là au moment. C'est justement ce que Marx appelle le travail mort. Le travail vivant dure seulement autant qu'on travaille. Mais un objet, une fois, il peut être vendu, revendu pendant des années, des siècles même. Et donc là, il est valorisé sur la base d'un travail qui n'est plus là. Donc il faut faire cette opération mentale de projeter chaque fois le travail qui, une fois, a coûté la table, même si on va la revendre 30 ans après. Évidemment, ce n'est pas une opération consciente, mais justement, c'est comme le mana, donc c'est quelque chose que nous sommes habitués à considérer, à donner sa place à chaque objet sur la base de cette espèce de fluide sans qualité que le travail abstrait, qui présente quand même une certaine ressemblance, donc justement avec le mana, de même que vous le mélanisiez, tout objet à sa place dans le monde sur la base du mana, donc du pouvoir qu'il peut transmettre ou qu'il peut contenir, donc il peut être l'émanation. Et donc là, on peut aussi pousser plus loin cette analogie. Donc, de même qu'en vérité, justement, le travail abstrait est une fétiche, justement, parce que ce n'est pas quelque chose, ce ne fait pas partie de cette qualité réelle. Je peux mesurer évidemment le bois duquel est fait la table, mais la valeur d'un objet, comme le dit aussi Marx dans le chapitre sur le fétichisme, aucune analyse ne peut le découvrir. Donc, justement, Marx appelle la valeur une Hirngespinst, avec un jeu de mots, dit avec une fantasmagorie. Donc, parce que c'est une pure convention sociale, mais une convention inconsciente qui fait que nous traitons les objets selon le travail qui, une fois, a été dépensé pour le produire. On ne peut jamais faire une constatation objective. Donc, la valeur marche seulement parce que tout le monde, de certaine manière, traite les objets de la même manière. Et donc là, on sort, si on veut, dans une pure métaphysique, donc ça n'a rien à voir, donc c'est de traiter les objets selon le travail qui a coûté leur réalisation, n'a rien à voir avec la nature réelle. Ben, là aussi, de certaine manière, nous projetons exactement comme ce que dit Marc Durkheim sur le fétichisme des Australiens, nous projetons notre pouvoir social sur une multitude d'objets, pas sur un dieu, donc ce n'est pas sur l'objet concentré, parce que ça a la différence aussi entre le fétichisme et la religion, concentre la religion chrétienne. Là, pour la religion chrétienne, il n'y a qu'une partie du monde qui est sacralisée. Tandis, par exemple, dans la société, comme dans la phrase de Durkheim que je vous ai lu, pour dans la société, par exemple, la société totémiste, pratiquement chaque être humain et presque chaque objet a deux natures, donc une nature réelle et une nature, si on veut, sacrée, parce que justement, il tient sa place dans le monde, pas pour ses qualités réelles et concrètes, mais pour son rapport à un animal totémique et pas sa place dans la complexe organisation totémique. D'ailleurs, vous savez peut-être, Lévi-Strauss a justement utilisé le système totémique pour réfuter les mythes de l'infériorité intellectuelle de ces populations. Il a dit que le totémisme est une chose extrêmement complexe, donc d'une certaine manière, qui n'a rien à envier aux constructions métaphysiques européennes, et donc comme système de classification. Et d'une certaine manière, lorsque nous traitons notre pouvoir social de faire, nous le projetons sur pratiquement tous les objets, de manière que tous les objets qui circulent ont cette double nature, comme dit Marc, sensible, suprasensible, nous faisons d'une certaine manière la même opération donc, qui font d'une certaine manière les populations fétichistes et totémiques, et également donc, projettent leur pouvoir donc, hors de leur propre fer, et donc après le retrouvent dans des objets où ils retrouvent cette puissance comme si c'était quelque chose qui émanait directement des objets d'un ordre naturel. Et évidemment, effectivement, comme dit Durkheim, dans une page assez intéressante, il arrive aussi à faire effectivement parfois des analogies. Il trouve par exemple le concept d'énergie dans la science moderne est effectivement une espèce de continuation du concept de mana. Donc il affirme aussi Durkheim surtout que la science finalement n'est pas autre chose qu'une espèce d'une autre forme de magie, une magie appliquée. Hein. Mais évidemment, il n'arrive pas à explicitement faire un lien avec la valeur économique, même si parfois il y va assez proche. Donc il dit, une seule forme de l'activité sociale n'a pas encore été expressément rattachée à la religion. C'est l'activité économique, dit Durkheim. La valeur économique est une sorte de pouvoir d'efficacité et nous savons les origines religieuses de l'idée de pouvoir. La richesse peut conférer du mana, il parle de société économique. C'est donc qu'elle en a. Par là, on entrevoit que l'idée des valeurs économiques et celle des valeurs religieuses ne doivent pas être sans rapport. Mais il dit lui-même que c'est une question encore à étudier. Donc il laisse de cette manière là, il arrête sa pensée pour se demander si la valeur économique moderne est une continuation de la Justement, la religion, elle voulait séparer l'argent, justement, jusqu'à il n'y a pas longtemps, pardon. L'argent chrétien, enfin, la religion chrétienne, elle voulait séparer l'argent. Séparer par rapport à quoi? Le présent. Par rapport à elle. Oui, la religion ne devait pas être mélangée. Voilà. Oui, parce mais... qu'elle savait que si jamais elle le faisait, c'était la porte ouverte à... Oui, mais là aussi c'est plus complexe parce que très souvent l'argent avait une valeur sacrée dans beaucoup d'autres sociétés antécédentes et donc au contraire, l'argent pouvait aussi jouer un rôle assez important dans les rites et également dans l'établissement donc des rapports aussi entre les différentes communautés. Mais là je parle que de la religion chrétienne. Hein. Oui. Les indulgences, ça n'a pas été les indulgences, ça n'a pas été trop un moment de séparation. Oui, oui, mais non, mais c'est ça, par rapport à partir du 11e siècle. C'est le prêt à intérêt. Mais Luther et Calvin, ils ont accepté les intérêts, c'est ça? Ben, ils ont permis le développement du capitalisme. Ah oui, ben c'est pour ça. Là, c'est une autre question. Je voudrais revenir un moment à cette... au fait, donc, qui est... Donc, si on lit, donc, évidemment, la description, donc, justement, qui forme ces auteurs du mana, du totémisme, donc, évidemment, on ne trouve rien, par exemple, qui peut rappeler notre société des classes modernes. On ne peut pas interpréter, par exemple, ces sociétés-là comme dans des termes de lutte des classes. Mais on peut, par exemple, être frappé par le fait que leur fétichisme présente plus d'une analogie, évidemment, avec notre fétichisme, donc avec notre manière d'une conscience sociale inconsciente, donc où pratiquement la socialité, de cette manière, s'exprime toujours dans la forme d'un objet extérieur. Et donc nous investissons les objets d'une espèce de fluide des pouvoirs, donc justement qui peut être d'une certaine manière, qui n'est pas lié de manière stable à un objet, mais qui peut passer d'un objet à l'autre. C'est exactement ce qui fait la valeur. Évidemment, la valeur passe de l'argent à la marchandise, d'une autre marchandise, donc la valeur également est une espèce de... est aussi décrite par Marx comme une espèce de fluide presque métaphysique qui peut passer d'un objet à l'autre, qui peut aussi disparaître, qui peut être la marche, par exemple, la marchandise est consommée, sa valeur aussi elle s'éteinte. Également, si elle n'est pas vendue, si elle reste dans le rayon, également elle n'est pas réalisée, et par exemple là aussi, par exemple, son pouvoir magique disparaît. Tandis que d'autres cas, par exemple, en accumulant du capital, c'est également une espèce de pouvoir magique qui augmente. Donc on pourrait effectivement aller assez loin, je pense, en établissant des analogies entre justement le mana et notre manière moderne donc de concevoir la valeur marchande des choses. Ici, donc, la question est justement, si on reste frappé de cette analogie, qu'est-ce que cela nous enseigne finalement? D'abord, est-ce que c'est une simple analogie ou est-ce qu'il faut y voir une véritable continuité? Et là, je n'ai pas de réponse prête. Je trouve que c'est une question assez intéressante, mais sur laquelle il est difficile de s'exprimer. Parce qu'il y a, de certaines manières, il y a différentes possibilités de répondre. Une manière, évidemment, c'est-à-dire l'approche qui prévaut aujourd'hui, qui est aussi l'approche marxiste en général, de dire qu'il y a comme une très forte coupure entre la société moderne et la société primitive, et donc il n'a rien à voir entre la valeur marchande, qui est comme une opération rationnelle, un calcul de ses propres intérêts, du bénéfice, etc. Ça n'a rien à voir avec la forme... avec par exemple la religion totémique. Alors, là, ce serait par exemple une opinion, disons, du genre libéral, bourgeoise et de la pensée libérale. Après, certains auteurs marxistes ont dit, oui, mais en vérité, la valeur, même la valeur économique, au sens, est une structure éternelle qui existe toujours. Toujours les êtres humains doivent, de certaine manière, s'intéresser à comment utiliser leur temps pour produire des choses et leur vie sociale se base sur leur économie du temps. Et donc, on peut dire que le mana, le fétichisme, etc., ce n'était qu'une espèce de première approximation encore mythologique de cette réalité qui est la valeur. Et on peut trouver chez certains marxistes traditionnels qui croient que la loi de la valeur est une réalité éternelle, donc une description de ces autres formes sociales comme une espèce de forme, si on veut, primitive, imparfaite de la logique de la valeur. On peut aussi faire le raisonnement exactement. Dans ces cas-là, donc, les sociétés primitives seraient des versions, disons, donc, imparfaites de la société de la valeur. Qui a développé ça? De certains auteurs marxistes, donc l'anthropologie matérialiste, voit donc certains, on trouve déjà, même déjà, par exemple, chez les vieil Engels, ça commence déjà, cette interprétation de la, cette affirmation, lorsque Engels dit que la loi de la valeur dure depuis 5000 ans, donc c'est. L'approche opposée est celui de dire que le sacré est une structure à peu près universelle. Le fétichisme, les manas, on le trouve à peu près partout. Et notre société moderne, donc avec son fétichisme, avec sa conception de la valeur, n'est qu'une variante à l'intérieur de cette espèce de structure atemporelle, éternelle, où d'une certaine manière nous sommes toujours dans le sacré. Et là, c'est par exemple le genre d'approche que vous trouvez par exemple chez Georges Bataille. Vous le trouvez également, de certaine manière, déjà chez Marcel Mauss, vous le trouvez, de certaine manière, dans tout le structuralisme. Donc, par exemple, tout l'effort de Lévi-Strauss, c'est pour trouver une espèce de structure d'opposition, de certaine manière, qui régisse toute société humaine. Et d'une certaine manière, notre société capitaliste ne serait qu'une parmi les nombreuses manières, d'une certaine manière, de conjuguer cette structure de base qui, en tant que telle, ne peut pas changer. Alors, si on détruit le capitalisme, ça continuera quand même, c'est ça? Pardon? Donc, ça ne sert à rien de détruire le capitalisme. D'une certaine manière, oui, ça continuera quand même. Oui, parce que le capitalisme, c'est fini. Ce sont donc deux approches, d'une certaine manière, au miroir. Donc, ce sont deux approches, d'une certaine manière, tendent à ontologiser cette catégorie. Dans un cas, les sociétés modernes ne sont qu'un cas particulier de nature humaine, éternelle, dans l'autre cas. Et au contraire, ce sont des sociétés primitives qui, d'une certaine manière, sont des versions imparfaites de la société marchande. Oui. Juste, on a parlé ici de structure fétichiste de la société marchande. C'est-à-dire que, concrètement, ce que c'est-à-dire le fait que dans tout le monde, par le marché, le fait qu'il y ait un marché qui se constitue en tant que marché, ce qui nous permet d'échanger des marchandises selon leurs valeurs, ça, de toute façon, tous les historiens disent que ce n'est absolument pas éternel. Il faut déjà qu'on constitue un marché en tant que marché pour pouvoir échanger naturellement une valeur, pour que ça nous semble naturel. Donc, si on prend, par exemple, si j'aimerais bien voir le lien vous faites par exemple avec toutes les théories institutionnalistes de la monnaie, par exemple, avec l'État, il y a beaucoup de choses à dire sur ces gens-là, mais ici, à mon avis, ils ont quand même quelque chose d'intéressant en essayant de comprendre comment la monnaie en tant qu'institution, en tant que coutume, se crée et devient justement quelque chose de quasi naturel, de fétichisé ici. À mon avis, il y a peut-être une chose assez intéressante à aller chercher chez eux, même s'ils sont très critiques, dans le sens où justement ils essayent d'expliquer comment. On pourrait dire par la coutume, en fait, on est par justement ce marché qui s'est auto-développé et auto-valorisé, arrivé à cette situation-là. Je pense qu'il y a peut-être ici des choses assez intéressantes à aller chercher, justement, sur les institutionnalistes par rapport à la question de la monnaie. Puisque, en fait, ici, ça traduit dans la monnaie, essentiellement, en général. Donc ici, comment justement le fait que de plus en plus, par la coutume, en fait, ça fait 300 ans peut-être ici, que se constitue un marché, où se crée un salariat que de plus en plus de gens... Donc, sortent du fait qu'ils avaient une économie de subsistance pour être uniquement des prolétaires, c'est-à-dire des gens qui n'ont que leur force de travail à vendre, qui sont donc obligés d'échanger leur travail contre de l'argent pour acheter d'autres marchandises. Ici, je pense qu'il y a peut-être justement le rapport à la coutume chez les institutionnalistes et comment ce droit coutumier se crée. Et ça pourrait être, à mon avis, une idée pour voir comment s'est créé ce fétichisme et s'est installé ce fétichisme dans les sociétés occidentales modernes, enfin, en tout cas dans les sociétés modernes, puisqu'aujourd'hui, il y a des générations. Enfin, je sais pas si l'idée que je... Oui, c'est aussi toute la question, donc on va se répondre, si le capitalisme est né vraiment d'une rupture violente aussi avec des formes antérieures du fétichisme, et c'est par exemple ce qu'affirme quand même, par exemple, Robert Kurz dans son dernier livre, et, par exemple, vous avez lu le compte-rendu que j'ai consacré dans la revue du livre, ou si au contraire le fétichisme de la moderne est quand même de certaine manière une continuation, une variation du fétichisme antérieur. Moi j'ai un début de réponse, parce que ce qu'on appelle le potlatch, il y a deux ou trois sortes de potlatch par rapport aux endroits où ça se passe, mais en général ça revient toujours au même. On jette des produits très chers, en général en or, dans la mer. Et bien qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu la crise en 2008? D'abord les États-Unis ont dépensé 1000 milliards de dollars, et ensuite deux ans plus tard, l'Europe a dépensé 1000 milliards de dollars. Est-ce que ça n'est pas une forme de potlatch? Oui, justement, ce genre d'analogies sont très souvent faciles à faire. Et je pense que d'un côté, évidemment, il y a quelque chose de positif dans ce genre d'analogie, parce qu'au moins, de certaine manière, on voit que les lumières n'ont pas vraiment tellement changé de choses. Tandis qu'évidemment, l'éthologie officielle dit toujours nous n'avons rien à voir avec les potlatchs ou avec les fétiches ou les totems. Nous sommes dans une société consciente après les lumières, donc nous prenons les décisions en politique, etc. Par rapport à cette auto-célébration de la société moderne, il est effectivement parfois utile de faire voir combien nous sommes encore nos actions peuvent effectivement être interprétées dans de la logique ethnologique. Comme j'ai dit, toute la valeur aussi de l'anthropologie culturelle moderne, c'est justement aussi d'appliquer des catégories qui ont été utilisées d'abord pour l'étude de sociétés primitives, de les appliquer à la société moderne. Par exemple, il y avait un livre, livre en Italie, ça fait longtemps, au titre assez joli, « À la scoperta di noi selvaggi », donc ça veut dire à peu près « La découverte que nous aussi nous sommes des sauvages ». C'était des articles où cet anthropologue, Idamalli, l'interprétait même des éléments de la vie quotidienne, politique, etc. en Italie, à l'aide de catégories ethnologiques, ce qu'au moins dans les années 70 en Italie, c'était encore assez nouveau. Et justement parce que cela, de certaine manière, ça rentre en contradiction avec notre auto-perception d'être les fils de lumière. Il faut quand même dire ce genre d'approche, je pense, est assez généralisé dans les dernières décennies. Et souvent, je pense que ça peut maintenant avoir un effet à peu près contraire, parce qu'on a l'impression que de toute manière, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Donc, de toute manière, nous sommes certainement condamnés à toujours varier un peu ici et là. Et nos actions, de toute manière, on ne va jamais en sortir. Et si finalement on va, par exemple, maintenant, par exemple, si on va sacrifier les pans entiers de la reproduction sociale à la logique de la valeur, on peut dire ben, il y a toujours eu de sacrifices dans la société humaine, par exemple, c'est assez normal, non? Donc là, ces genres d'ontologisation sont assez dangereuses, comme je pense que j'ai déjà cité le succès du livre qui s'appelle Jared Diamond sur la fin des civilisations, qui également, c'est intéressant. Mais il met tout sur le même plan, des catastrophes naturelles, démographiques, etc. Donc tout cela est mis sur le même plan, sur une espèce de réponse éternelle qui arrive au niveau de l'être humain. Donc finalement, cela aussi tend à gommer quand même la particularité aussi de notre époque. Mais selon Baudrillard, il paraît que le roi qui jetait dans la mer l'or, il avait envoyé des gens pour aller le chercher par en dessous. Des plongeurs. Et vous pouvez remarquer que deux fois 1000 milliards, par définition, il y a des plongeurs Goldman Sachs qui vont récupérer les 1000 milliards qui ont été envoyés. Donc en fait, oui, comme je dis, ce genre d'analogie, je pense aujourd'hui, se passe plus facilement dans le public qu'il y a encore 20 ans et 30 ans, mais peut-être c'est justement parce que, d'une certaine manière, ça s'attend finalement aussi, comment dire, avec une belle expression française, à noyer le poisson. Et finalement, comme je dis, ça me rappelle, sur le plan, Octavio Paz, le grand essayiste mexicain, qui avait eu le courage de se démettre de son poste d'ambassadeur après le massacre fait par l'État mexicain en 68 sur la place des Trois Cultures, au centre, vous connaissez cet épisode. Il a démissionné comme ambassadeur, mais après il a voulu rattraper, il a écrit un très mauvais texte où il a fait une comparaison entre le massacre sur la place des Trois Cultures et le sacrifice humain qui faisait les Aztèques dans le même endroit. Donc c'est pour cette manière, pour établir une espèce d'histoire de longue durée. Donc, finalement, ces analogies peuvent aussi justifier les pires choses. Donc, si, dire, donc si les enfants meurent aujourd'hui, en fait, on peut dire que les Phéniciens aussi, ils sacrifiaient leurs enfants, parce que vous voulez, ça fait partie de la nature humaine. Hein. Ce que je veux dire, c'est que le pouvoir a toujours les mêmes façons d'agir. C'est tout ce que je veux dire. C'est que le pouvoir toujours les mêmes formes d'action. Oui, justement. Ah, voilà, justement. Ah, ouais. Parce que le roi, c'est quand même le power. Et la banque centrale, c'est quand même le power. Oui, par exemple, je vois l'exemple de le roi qui acceptait d'être mis à mort quand il était vieux et ne pouvait plus accepter la fertilité. Il n'a pas de pouvoir avec les puissants d'aujourd'hui qui n'accepteraient jamais ça. Non. Thank you.